Salut, vous écoutez Sous Pression, zone CHRY 105.5 FM à Toronto et le CIVR 103.5 FM à Yellowknife. Je m'appelle Mathieu, je suis avec vous jusqu'à la fin de l'heure et comme à chaque semaine, je vous fais jouer du punk, du ska, du hardcore, tout en français. On a commencé l'émission avec la chanson La Mère Noël par Berruguet Noir. Cette chanson-là est tirée de leur album Joyeux Merdier ou Enfoncer le Clown, une chanson sur les deux albums, comme vous voulez. Un ou l'autre. Je fais jouer parce que c'est la semaine de Noël cette semaine et... Pourquoi pas? C'est une bonne chanson par un excellent groupe. Je vais aussi faire jouer une couple d'autres chansons avec un thème un peu noëlleux. Parce que il y a des bonnes chansons par des excellents groupes de punk qui ont un peu un thème de Noël. Et ça ferait bizarre de les faire jouer à autre temps de l'année. Alors je vais faire jouer cette semaine. Pas vraiment pour fêter la fête du petit bébé Jésus, mais juste parce que c'est des bonnes chansons. Alors c'est ça, on continue avec une chanson qui a absolument rien à faire avec Noël, mais qui est une excellente chanson, la chanson « Génération inutile » par les Partisans de leur album éponyme. Alors voici les Partisans à Sous Pression. Salut, vous écoutez toujours Sous Pression, zone CHRY 105.5 FM à Toronto et le CVR 103.5 FM à Yellowknife. On vient d'écouter dans le dernier bloc Les Partisans avec Génération Inutile tiré de leur album éponyme et Action Sédition après ça avec Mémoire Brisée de leur premier album Rapport de Force. Alors, c'est ça, j'ai pas grand-chose à dire en ce moment, je veux juste continuer la musique, je fais jouer une chanson de Overbass, le groupe montréalais qui a vu le jour fin des années 90, peut-être un peu le début des années 2000. La chanson que je vais faire jouer s'appelle « Avec une petite caisse ». C'est tiré de la compilation « Noël dans la rue 1 », la première version de la compile. C'est une compilation qui est sortie en 1996. C'était une compile de soutien au service qui s'appelle « Dans la rue ». C'est un service qui offre de la nourriture et des ressources aux sans-abri, aux gens de la rue, plutôt surtout les jeunes de la rue, un service qui existe toujours. Alors, c'est une compilation où plein de groupes de punk de Montréal et d'ailleurs, peut-être, au Québec, se sont rassemblés pour faire une compilation de soutien pour appuyer le service et ont fait plein de concerts aussi à chaque année, Noël dans la rue. J'ai eu la chance d'assister à une couple de concerts et les concerts étaient toujours excellents. Alors, je vais faire jouer cette chanson-là, Overbass, avec une petite caisse tirée de la compilation Noël dans la rue. Alors, c'est ça. On va continuer avec Overbass. Thank you.

Salut, vous écoutez toujours sous pression, zone CHR grec 105.5 FM à Toronto et le CVR, bien sûr, 103.5 FM à Yellowknife. Dans le dernier bloc, on a écouté plein de bonne musique. On vient d'écouter la chanson « Ouais » par Justine, d'un split qui ont sorti avec le groupe Santa Cruz un peu plus tôt cette année. Du Breastfeeders avant ça avec la Luna Blâmée, la souris déglinguée avec « Pourquoi » de leur album « Aujourd'hui et demain ». Les Vampas avec la chanson Noël, Nick à feu avec MDM, et on a commencé le dernier bloc avec du Overbass, la chanson avec une petite caisse. Alors, comme à chaque semaine, on est rendu vers ce point-ci de l'émission. Je vous rappelle que Sous Pression a un site web, c'est souspression.wordpress.com. Souspression.wordpress.com, si vous pouvez écouter l'émission à partir du site web, vous pouvez aussi la télécharger, voir la liste des chansons qu'on fait jouer à chaque semaine, etc., etc. On a aussi une présence sur Facebook. C'est facebook.com/sous-pression. Si vous êtes sur Facebook, vous pouvez aimer l'émission. Et c'est une bonne façon de vous tenir à jour sur ce qui se passe, bien sûr, avec l'émission, mais aussi dans le monde du punk, du ska, du hardcore francophone. Et si vous avez une demande spéciale, commentaire, plainte, n'importe quoi, envoyez-moi un courriel souspressionacommercial@chrgrec.fm. Souspressionacommercial@chrgrec.fm. J'aime bien ça, communiquer avec le monde qui écoute l'émission. Un dialogue des deux côtés du micro, comme je dis des fois. Alors, c'est ça. Je continue la musique. J'ai pas grand-chose à dire aujourd'hui, juste faire de la musique. C'est pour ça que vous êtes ici. Je continue avec une autre chanson tirée de la compilation Noël dans la rue. Cette chanson-ci, un peu plus côté un peu plus metal, le groupe de death metal, Necrotic Mutation. Ils font en fait une reprise de la chanson Saberger avec des nouvelles paroles un peu différentes. Alors c'est ça, je vais faire jouer la chanson Necrotic Mutation, la chanson Saberger de la compilation dans la rue. Alors voici Necrotic Mutation à sous pression. HLM, je te dédicace ce poème en espérant qu'au fond de tes yeux ternes tu puisses y voir un petit brin d'herbe. Oh, il est temps de faire la part des choses. Pas de couleur. tu mets dans tes côtes. Va voir ailleurs, rien ne te retient. Va vite faire quelque chose de tes mains. Ne te retourne pas car ici tu n'as rien. Et sois le premier à chanter ce refrain. C'est l'hymne de notre pal. Yeah! bam bam bam bam bam. We'll be right back. Alors, vous êtes toujours à l'écoute de Sous Pression. Dans le dernier bloc, on a écouté plein de bonne musique. On vient d'écouter les Connies, la chanson Tout ce que je veux, tirée d'un EP éponyme qui ont sorti un peu plus tôt cette année. Dvissis Crew avec ça avec Jibbers, leur album Old Reggae Friends, La Gâchette avec Vivre ou Crever. The Anonymous avec Les Anges dans nos campagnes, cette chanson-là, bien sûr, encore tirée de la compilation Noël dans la rue. Molodoy avant ça avec Christmas Party, et on a commencé tout le dernier bloc avec Necrotic Mutation, Sa Berger de l'album, la compilation Noël dans la rue. Alors c'est ça, notre temps ensemble tire à sa fin, j'ai le temps de faire jouer une dernière chanson, et ça va bien sûr être une chanson tirée de la compilation Noël dans la rue. La chanson du groupe, par le groupe Uncle Costa and the Scumbags, la chanson s'appelle « Il est né le Christ d'enfant », bien sûr, une petite chanson de Noël pour terminer l'émission de la semaine de Noël. On se revoit la semaine prochaine, ça va être une bonne émission, et c'est ça, prenez soin de vous, si vous visitez de la famille ou des amis, la famille, peu importe comment vous voulez définir la famille, prenez soin de vous, si vous faites la fête, ne faites pas trop fort. Et vous fêtez très fort, mais surtout ne conduisez pas. Et c'est ça, je vous laisse avec c'est mes mots de sagesse. mes mots de sagesse du temps des fêtes. Alors c'est ça, prenez soin de vous, on se retrouve la semaine prochaine. Au revoir. Yeah.